Overdrive on Radio Dio. Bienvenue dans Overdrive, c'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio 2 en ouverture. C'est excellent, Danko Jones et ce I Love Living in the City, extrait de l'album We Sweat Blood. Ce Danko Jones qui nous reviendra avec un nouvel album au courant de l'automne 2025. Retour encore une fois pour le groupe allemand Halloween. Halloween qui nous revient toujours avec son line-up à 3 chanteurs et 3 guitaristes. Kay Hansen et Michael Kiske sont de retour dans le groupe depuis l'album éponyme de 2022-2023. Giants and Monsters viennent voir le jour sur Raining Phoenix Music et on va continuer un petit peu dans ce style là, même s'il s'éloigne un petit peu peut-être des morceaux speed power metal pour avoir un peu plus le côté mélodique de morceaux comme Dr. Steen, comme on avait passé un peu plus tôt. Néanmoins, les fans de Heavy pur et dur devraient être ravis par ce Sauveur, Savior of the World, parce qu'on a tous besoin d'un sauveur. Vous écoutez toujours Overdrive, Radio Duo. Save it and make haste. A fastest play. I saw it. Madness, Halloween, Savior of the World, tout de suite sur le 895 de Radio Duo. Et on continue avec le groupe de heavy metal traditionnel Rising Steel qui nous sort son nouvel album sur le label Frontiers Records. J'avais voulu diffuser cet album la semaine dernière, mais les platines un peu récalcitrantes m'en avaient empêché. Et ce sera maintenant réparé avec ce Legends of the Grave qui vient de voir le jour sur Frontiers Records, comme je le disais. Et ce sera le morceau qui m'a bien fait rire. Ce sera, alors non pas par la musique, mais plutôt par le titre, ce sera Black Martin. Thank you. Yes, vous venez d'entendre le groupe High and Savior, It's a High of the World, dans sa version 2025 pour le groupe de Pete Seeck, groupe de heavy metal traditionnel. On va passer maintenant au groupe Furies qui reviennent avec leur nouveau single, ça s'appelle Furry Tale, Furry comme la fourrure, pour parler d'une histoire de félin. Ici, les Parisiens nous reviennent avec un pur heavy metal. Le line-up a encore un petit peu évolué ces derniers mois, ces dernières semaines, et on attend un prochain album complet pour le groupe de heavy metal français qui nous avait sorti un excellent premier album il y a de ça quelques années. Furry Tale par Furies. Yes, vous venez d'entendre le groupe, bien entendu, j'ai dit Furies avec son dernier album, enfin plutôt son dernier single, c'était Fairy Tale en hommage aux félins. Et on va rester dans le F avec Enforcer et son album de 2023, Nostalgia, que j'ai décidé de ressortir cette semaine puisqu'il s'agit d'un excellent album. On va s'envoyer ça tout de suite avec le morceau Heartbeats, tout de suite désigné et dédié à tous les cœurs qui battent. Enforcer, vous écoutez toujours Overdrive. Yes, Enforcer tout de suite avec ce Heartbeat, extrait de l'album Nostalgia paru en 2023. On continue avec le Voice of Rock, j'ai bien sûr nommé Glenn Hughes. Et ce dernier album qui voit le jour sur Frontiers Records, ça s'appelle Chosen. Si vous aimez bien entendu le Mark III de Deep Purple, si vous aimez également bien entendu Black Country Communion, vous devriez adorer le nouvel album de ce chanteur bassiste anglais qui fête maintenant ses 74 ans et qui ne souffre pas du moindre souffle des difficultés. Et on a ici vraiment quelque chose qui force le respect, et on soulignera également excellente partie de guitare du guitariste qui accompagne Glenn Hughes depuis de nombreuses années sur sa carrière solo. Ce sera l'excellent Søren Andersen du Danemark. On va envoyer ça tout de suite avec ce morceau My Alibi par, bien entendu, The Voice of Rock. J'ai bien sûr nommé Glenn Hughes. Waiting on a lie they bring. My Alibi, dernier album de extrait du dernier album de Glenn Hughes, Chosen, qui vient de voir le jour sur le label Frontiers Records. On va passer à quelque chose de foncièrement différent maintenant. Treponen Pal pour les amateurs de, on va dire, metal tendance industrielle, groove metal. Bref, ça respire les années 90 ici et ce sera leur dernier album. Leur dernier album World Citizens qui voit le jour sur At Home Records, un côté toujours machiniste. Encore une fois, ça sort aujourd'hui même. J'essaye autant que faire se peut de diffuser des albums tous les vendredis soirs. On sait qu'il y a quand même de nombreux albums qui sont sortis le vendredi. Et ben, j'essaye au maximum de caler, on va dire, la programmation sur les sorties du jour. Donc, encore une fois, c'est comme lorsque vous achetez des œufs. Vous avez affaire ici à des pontes du jour. Holy Dirty Money par Treponen Pal, extrait de ce World Citizen qu'on va écouter tout de suite. Et c'est encore une fois sur Overdrive Radio Duo. Money, money, money, money, run free. Yes, très Ponen parle avec ce Holy Dirty Money extrait de World Citizen qui vient de voir le jour sur le label At Home Records. On reste maintenant dans des choses un peu plus alternatives à tendance un petit peu stoner. Ce sera Bush avec I Bit the Loneliness, toujours sur Overdrive Radio Duo. Maintenant, ce sera le groupe Solace avec ce Black Unholy Ground. day and night, thinking how do we get here? And in peace, we'll a full of rage beer. Battle darkness, a wall with no fear. After all, they just want us to disappear. Take our peace to find us, seem irrelevant. Our strength became another element. Never tried to test us, we know what to do. I'm close and nobody will protect you. We try to get something from you, but you buy. How do we get so close to death with nothing we're dying for? In the shadows, where we dare to go? Madness whispers in a twisted hole. Blood's everywhere we about to see. Our knives go deeper than the sea. We will give you a chance, what do you wanna do? Get closer, cause nobody will protect you. We try to get something from you, but you buy. D'entendre Debatonic avec ce morceau Dynamite, extrait de ce 6 titres paru sur MNO Music. On va rester dans le même label français maintenant dans Overdrive avec ce Leafy Arnold Utopia qui nous a sorti ce Illusion of Time aujourd'hui même. On rappelle, dans Overdrive, on essaye au maximum de coller à la sortie, aux sorties un petit peu du vendredi. Et ce sera Glitch, extrait de cet album Illusion of Time par L'Infernal Utopia, pour un style assez moderne qui se rapproche des Born of Osiris ou autres In Flames et Gojira, tout de suite dans Overdrive Radio Duo. Yes, vous venez d'entendre L'Eternal Utopia avec ce morceau Glitch pour du métal récent. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité du métal et notamment tous les potins qu'il y a eu dans la scène cette semaine, ces dernières semaines, mais il y en a eu un gros du côté de Cradle of Filth. Cradle of Filth qui vient de se séparer de sa claviériste chanteuse et de son guitariste de Marie en plein milieu de leur tournée sud-américaine. Donc, le couple a décidé un petit peu de lâcher son linge sale en public, accusant le chanteur Danny Filth et son manager, qui n'est rien d'autre que Des Ferrara, de ancien Cold Chamber et Devil Driver, de les incendier, de les traiter de manager, on va dire abusif, et d'avoir un très mauvais contrat également qui leur a été proposé, un contrat qui a été ensuite diffusé par le couple en public sur Internet, le chanteur ayant bien sûr refuté de plus belle en lavant son linge sale encore une fois en public, accusant le groupe de boire et de consommer beaucoup trop d'alcool. Bref, c'est toujours compliqué dans les groupes comme dans les couples, et ce sera Cradle of Filth avec un retour en 2015 et l'album avec lequel ce guitariste Marek, qui a été congédié donc en plein milieu de cette tournée, avait commencé à jouer un excellent album, Hour of the Witches. J'espère que malgré tout, tout le monde en sortira vainqueur et que le groupe, bien sûr, saura rebondir. Deflowering the Maidhead, Displeasuring the Goddess, voilà qui irait à ravir à la situation actuelle de Cradle of Filth. Vous venez d'entendre Malthusian avec Between Dance and Ruins tout de suite sur le 895 de Radio Dio pour du death metal des plus, on va dire, caverneux. Ici maintenant, Nail to Obscurity, Clouded Frame, sorti aujourd'hui même sur Nuclear Blast avec Clouded Flame maintenant. Yes, maintenant on va terminer Overdrive avec ce Tarditas par le groupe Svartstot de folk metal danois. On rappelle le www.radiodio.org. On rappelle également le www.radiodio.org, le www.facebook.com/overdrive-radiodio pour retrouver toutes les informations sur l'émission, les podcasts des émissions qui sont hébergés également sur la plateforme Mixcloud. À moi de rendre l'antenne, on rappelle que le 4 octobre prochain, vous aurez du côté de Montbrison, vous aurez le premier soirée concert de Purple Comet avec Ash Twinter From The Ashes, et également le 3 octobre du côté du Fil de Saint-Etienne, Death Awaits, Eight Sins et Sat One. Voilà, il est temps de rendre l'antenne. Ciao, bye bye.